Nous en venons maintenant à l'invité de mardi politique. La récente sortie de l'ex-président Abdoulaye Wade à l'endroit de Macky Sall continue d'alimenter les chômeurs. Une sortie qui risque de créer un sentiment de rejet des Sénégalais de toute l'histoire politique du pape du Sepi, le secrétaire général du PDS, dans un délire émotionnel et prêt à tout. C'est l'analyse du directeur de publication du mensuel Vision Mag, Momar Diong, est l'invité de mardi politique. Il est interrogé par Aaron Agaï. Momar Diong, directeur de publication du mensuel Vision Mag. L'actualité, ce sont les propos fracassants d'Abdoulaye Wade à l'endroit du président Macky Sall. Et des propos d'un schizophrène ou d'un stratège? Je pense que c'est plutôt une stratégie affinée par Wade, réfléchie. Et cela d'autant qu'il a eu à dire il y a quelque temps, on n'a pas oublié, que Macky Sall s'attaque à sa famille et qu'il attaquerait la famille de Macky Sall. Il détruirait la famille de Macky Sall. Il a d'abord commencé par l'affaire ArcelorMittal. Donc je ne suis pas surpris que ça aille crescendo et que cette fois-ci vraiment il ait utilisé des propos très déplacés, très inadmissibles par rapport à la famille du président. Mais il est toujours dans sa logique qui consiste à répliquer à ce qu'il considère de la part du président de la République comme une attaque visant sa famille. Momar Abdoulaye Wade, c'est un parcours politique et même un bilan, mais avec de tels propos, risque-t-il d'être rejeté par les Sénégalais? C'est clair. Il a commencé par être rejeté par des gens de son propre parti qui ne partagent pas les propos qu'il a eu à sortir à l'endroit du président de la République et de sa famille. Vous savez, dans le cadre du procès de Karim Wade et de la traque contre les biens mal acquis de son général, tout cela se fait sur fond de bataille d'opinion. Donc l'avis de l'opinion importe beaucoup. Il est clair que vu la manière dont les choses se déroulaient jusque-là, immanquablement, il y avait une cote de sympathie qui était en train de se faire au profit de Karim Wade et par ricochet à Abdoulaye Wade. Parce qu'il y a certains Sénégalais qui trouvaient quand même qu'il y avait comme un acharnement contre le fils du président de la République. Mais je crois qu'il y a eu un inversement de la perception des Sénégalais vis-à-vis de cette affaire et que Abdoulaye Wade a beaucoup perdu dans ce qui est en trame de la traque des biens mal acquis, en l'occurrence la bataille d'opinion, en sortant de tels propos. Il a été désapprouvé d'abord par son propre entourage, dont certains n'ont pas hésité à dire publiquement qu'il se démarquait de ses propos, mais ensuite par les Sénégalais de façon générale. Le président Macky Sall répond par le silence. Est-ce que les Sénégalais peuvent comprendre une telle attitude face à des accusations aussi graves? Mais bien évidemment, parce que quand même, ça heurte la raison. Ce n'est pas parce que tout simplement que c'est des attaques d'une telle violence, d'une telle véhémence, que le président doit absolument répondre. Ensuite, n'oubliez pas le contexte dans lequel le président Wade a eu à faire ses attaques. Il a fait ses attaques au moment où le président de la République, Macky Sall, et quasiment l'ensemble de son gouvernement était en tournée économique dans la région méridionale. Vous croyez que Macky Sall jouerait à altérer le succès de sa visite en répondant à des attaques de ce genre de la part de Wade? Je crois que son attitude a été quand même une attitude sage et qu'il avait mieux à faire que de répondre au président de la République, Abdoulaye Wade. Et ensuite, il ne faudrait pas que le chef de l'État soit frileux pour devoir répondre du tic au tac à toute attaque dont il peut faire l'objet, ou dont sa famille peut faire l'objet. Je crois donc que c'est une sage attitude que d'avoir observé le silence, et de toutes les manières, ce sont les Sénégalais particulièrement qui se sont indignés des propos d'Abdoulaye Wade, et ils n'avaient pas besoin d'en rajouter en répondant. Momar Diong, avec l'état d'esprit actuel de l'ex-président de la République, Abdoulaye Wade, peut-on s'attendre qu'il tienne d'autres propos affligeants? Il y a quand même un certain nombre de menaces qu'Abdoulaye Wade a évoquées et qui ne sont pas, me semble-t-il, pris suffisamment au sérieux par les Sénégalais. Il a dit d'abord qu'il préparait sa valise et sa brosse à dents parce qu'il est prêt à aller à Rebeuf pour prendre la défense de son fils. Il a également eu à dire qu'il est même prêt à y laisser la vie. Et il ne faudrait pas prendre à la légère ces propos du président de la République parce que quand il a le cran, à son âge, de forcer un barrage de police tout simplement pour défier l'autorité, il ne faudrait pas s'étonner que vraiment Abdoulaye Wade aille jusqu'au bout avec cette affaire. Abdoulaye Wade, il a toujours aussi parlé avec excès émotionnel de son fils. Bon, ce n'est pas étonnant que le président de la République, au moment où on est quasiment à l'épilogue du procès Karim Wade, verse dans ce que j'appellerais un délire émotionnel. Donc, il n'est pas étonnant que Abdoulaye Wade dise des propos d'une gravité égale ou même supérieure aux propos qu'il a eu à sortir récemment. Mamar Diong, directeur de publication du mensuel Vision Mac, merci. Fan yi kaddu yi nga xamne nak dafa teggino Abdoulaye Wade yëkëti ko rek tekko ci nak deru Macky Sall wat legi nak ñi ngi way nek di ci ne yeey yabbi loolu nak neen dal Mamar Diong neen war na man indi nak dal li nga xamne nak dal régime dal ñu bañ ko nangu rek dal ci jëmele ci nak li nga xamne moy histoire politique bu président Abdoulaye Wade loolu dal dafa melni dafa melni ab nak digënté la nak def ci digënté président Wade ak nak sénégalais ci loolu rek ñu déglu kon ar gëj tam sax Mamar Diong yow ya jitté ëttu yene kay bi di genn wër wu ne lu koy woyé vision Mac Thioly kay mu ngi dess ba tay ci Abdoulaye Wade ñi xam ni yak na ko njitu rew mi di Macky Sall kaddu yoy baye ko ci ko xam ni xeyna dafa andatul ak xelam wala dal ko xam ni borom mi pexé la defé na ci pexém la ko def té pexé bo xam ni rek pexé mu ñaaw ñaaw mom parce que nak don na japp ni ke xeyna bu fekkone ni da don fayonto attaque buñu ko def wala wax lu bon ci mom ma mëna comprendre dafa wax té andatul ak sagom ba yakarna ni donc Abdoulaye Wade limi wu def moko def ci sagom rax ci doli ci demone yele ñu genn newon na Macky Sall dafa jukté pour dal ci famiyam ak pour yak famiyam waye dina ko defonté ak mom bamu fa fap ci tam yoyu la genné mbirum Alcerol Mittal takal ci tout mal ci rax ko président de la République Aliou Sall donc man bertuma ci logique bobu nga xamni mom le fassalone ne Macky Sall songu njabotam dina songu njabotam yakatu njabotam mo waral kaddu gi mu yekuti stratégie la waye stratégie bu bona bon bu ñepp ñaawlu waaw Abdoulaye Wade dañ ko nawru lol ci walu politique taxawayam waye tam limu jotta liggey ci Sénégal ndax kaddu yi dal du tax sénégalais bañ ko aha kay kaddu yi dina am lu beul lu mu wañ ci mom ci gis gis d'abord yi sénégalais yi amone ci mbirum Karim Wade parce que nak buñu faté ni ci jamono yi ñu genn amna sénégalais sax yu ñéewantalon Karim Wade yaakar ni nguur gi da ko xartal rek bëggu ko néwol doolé ba ci Abdoulaye Wade momit ci bopam nit ñi rafetlu wuñu woon li nga xamni mom lañu japp ni mom la ko Macky fayé ci ko xamni danaka lepp lo amone yalla daf ko jaarale woon ci loxom bu la sénégalais xam ba fa la yalla ci mom la ko jaarale donc amone na sénégalais ñéewantal guñu amone ci Abdoulaye Wade waye li nak defena amna beulu bari lu mu ci wañ d'abord mi ngi tambalé ci partem parce que amna kilifa yu mak ci bertem yo xamni fassal nañu ni ñu and mom benn yoon ci kaddu yi mu yëkëti sénégalais yi tam lu mel non la ñu gis sénégalais yépp ak ñaawl comme ñi nga xamni am nañ baat même les familles religieuses nakalu nañ kaddu yu melni donc amna lu bari lu muy wañ ci niko sénégalais yi gisé won ak ni sénégalais amone ñewantal ci mom ak ci domam Macky Sall bi kaddu yu jubé mom dal dafa nopi ndax lolé sénégalais yi man nañ ko nangu ci touma yu tolni wa man nañ ko nangu parce que nak président du def rek kuko songu wala ku wax ci mom kaddu mu yëkëti kaddu jotalante xam nga olof yi ñoo naan borom tak du xex ak borom batu nen te yalla dafa def nak mom moy kilifa rew mi rax ci doli Abdoulaye Wade fete ko mak lol ci ay at do waru ko sontante ak mom li ci teggu moy bi Abdoulaye Wade yëkëte kaddu yi ma nga won mom ak danaka ñu upp ci gouvernement am boru Ségué Thior ba ci séju fañu defé conseil des ministres décentralisé donc nek ci li nga xamni mom le ko fi sénégalais yi téggé muy liggéey dem nemeku sénégalais xol sen bëgg bëgg pour jëm ci indi safara koku nak bu fekke ci jamono yoyu la Abdoulaye Wade yëkëti kaddu yi jëmele ko ci mom defena ni mu def nonu la waru fi nek bi ko tuddé yow ni nga gisé Abdoulaye Wade jamono ji ndax nopi ne ngir yëkëti wat yeneen kaddu yu gëna ñaaw jëmele ko ci Macky Sall yaakar nako parce que dama yaakar ko moy Abdoulaye Wade musuta am sago ci buy wax ci mbir domam bo len day fatali jamono yi nga xamni mi ngi ci rew mi te jël domam jël nombo yu am solo denk ko ko ñaari baat ñet yu mu wax ni ma mama fi gëna jang sama dom fi gëna mën sama dom fi ba sénégalais sax naan ki de ni mi tuddé domam wax dëgg yalla yalla na dig jom ji parce que sénégalais ko lolu di jey sa dom ak diko kañ ak diko baxo lolu la doon def bi nga xamé ni commencé nañu yëkëti mbirum traque des bien mal ak yi gis nañ ñak sago gi mu ñak sago ci défendre domam momar jong yow ya jité atou yene bi di génn wéru na nakoy wax vision mak ma ngi lay gërëm.